armée. Leur vrai malheur frappé en homme, leur vraie tristesse brisée en famille. Fais pas attendre yo même mon pardon, fais qu'une réconciliation. Arrêtez pour ne jamais recommencer.